fait ce rêve, je m'envoyais en l'air au-dessus de la terre. Je t'ai même vu nager dans les airs au-dessus de la mer. J'aimerais croire que le monde est beau, croire tous les idéaux, mais je n'y arrive pas. Bien trop de gens portent leur croix et pleurent cachés sous les draps. Pourquoi ? Fait ce rêve où la neige était bleue et le ciel était vert. J'y ai même vu un papillon bleu, gardien de l'univers. J'aimerais croire que l'homme a des ailes, croire que la vie est belle, mais je n'y arrive pas. Je sais bien que c'est chacun.